Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 516. Ça arrive, c'est là, c'est ce week-end, la Clermont Geek Convention. Donc les petits gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, je pense que je vais pas vous faire un dessin. Donc sachez que, comme à Radio Campus, bien sûr, nous faisons partie des partenaires de cette grande convention, n'est-ce pas? Nous avons des places à vous faire gagner. Ah ouais, je sais, pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a qui écoutent aujourd'hui exceptionnellement rien que pour ça? C'est pas bien, faut écouter tout le temps, faut être fidèle. D'ailleurs, vous savez comment on est à Génération Manga, en général, c'est la fidélité qui est récompensée. Donc c'est pas une bonne idée du tout de venir comme ça, la fleur au fusil, et t'imaginer qu'on va gagner des places, hein. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des places? Bah, je vous le dis tout à l'heure, tiens, ça vous apprendra. Comme ça, on sera obligé d'écouter un petit peu. Donc, outre cela, je voudrais surtout vous parler aujourd'hui d'un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle « L'animation japonaise, réception, diffusion et réappropriation ». Voilà, aux éditions L'Harmattan. Voilà, alors je connaissais pas du tout cet éditeur, et pour cause, hein, c'est apparemment des éditions un petit peu huppées, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ont des diplômes, qui font des colloques, tout ça, donc des gens avec un cerveau, on va dire, qui écrivent. Donc c'est plutôt bien, parce que ça prouve que c'est des universitaires, donc ils nous font un petit topo sur l'animation japonaise, et on va pas s'en plaindre, parce que si ça peut donner une belle image depuis le temps, hein, bon, je vous refais un petit peu l'article, hein, vous savez à quel point l'animation japonaise avait été décriée au combien pendant leur arrivée dans les années 70-80, et ça s'est pas amélioré par la suite, puisqu'il y a eu Club Dorothée avec les grandes théories sur la violence, bien sûr, lesquelles le survivant n'ont pas arrangé les choses, hein. Et depuis les années 90, c'est surtout les fans qui défendaient bec et ongles l'animation japonaise contre l'intelligentsia française, hein, telle les Télérama et consorts, qui vilipendaient le sujet, n'est-ce pas? Donc on se rappelle bien sûr que Ségolène Royal avait écrit un livre qui s'appelait « Le ras-le-bol des bébés à peur », où elle voulait se faire la défendeuse, la défendresse, je sais pas comment dire. Il y a des jolies têtes blondes qui risquaient d'être perverties par l'animation japonaise, du Club Dorothée, toutes ces sortes de choses, hein, voilà. Donc il va sans dire que j'avais parcouru en diagonale ce torchon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et puis il est clair qu'elle ne connaissait rien au sujet, hein. Elle te balançait des titres comme Metal Dare, alors qu'à l'évidence elle ne savait pas que c'était même pas un dessin animé, enfin des choses dans ce genre là dans l'autre optique, il y a eu Liliane Lursa aussi, une psychologue soi-disant, qui avait écrit à 5 ans cela avec Goldorak aussi, donc dans les années 80, là, pour dire que Goldorak allait pervertir les petits bambins, là aussi. C'était même avant Ségolène Royal, donc vous voyez qu'il y avait du chemin à faire. Et puis nos petits amis de Télérama, ils fustigeaient sans cesse l'animation japonaise, les japonaiseries, et tout d'un coup se sont trouvés fans des studios Ghibli et des films de Miyazaki. Tout d'un coup, ça a trouvé écho à leurs yeux. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, bizarrement, on retourne sa veste. donc voilà. Donc bien sûr, il est un petit peu question de toutes ces choses-là dans ce livre, mais surtout, il est question, donc j'ai pas encore tout lu, hein, je vous le cache pas, hein, je l'ai reçu ce matin, c'est pour dire s'il est tout chaud qu'il sort du four. Il est question, bien sûr, dans un premier temps, pour ce que j'en ai lu, de vous expliquer un petit peu toutes les arrivées des dessins animés japonais à la télévision et au cinéma, parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'il y avait Goldorak et puis rien avant. Alors qu'il y a eu des choses avant, donc vous le savez, sur cette antenne, on vous l'a déjà dit, il y a bien sûr eu le Roi Léo et Prince Saphir de Tezuka qui sont passés avant Goldorak, mais il y a eu aussi des petites, des petits essais avant ça. Alors je dis bien des essais parce qu'en fait c'était des cas particuliers. Alors sachez que dans la fin des années 60, il y a eu trois émissions exceptionnelles sur le Japon. Donc des soirées japonaises qui sont passées à l'époque sur l'ORTF. Alors l'ORTF, je te raconte pas, c'est les ancêtres, c'était avant TF1, avant N2, avant FR3, avant tout ça. C'était vraiment les premières chaînes françaises, c'était l'ORTF. Donc voilà, et donc dans ce cadre-là de soirées japonaises ont été diffusées un épisode de deux séries japonaises, donc en VO sous-titré qui plus est, donc on n'avait même pas fait l'effort de les doubler à l'époque, c'est pour te dire, et donc c'est ça qui nous avait été proposé à ce moment-là. Alors, plus en détail, c'est dans ce bouquin, entre autres choses, hein, bien entendu. Il y a aussi le premier film d'animation en France au cinéma. Alors, au cinéma, c'était Le Serpent Blanc, qui à l'époque avait un autre nom. C'était pas sous ce nom-là qu'il avait été exploité. Donc, ce nom, on l'apprend dans le bouquin. Bah, je vais pas tout vous dire. Hein. Je ne vais pas vous dire forcément de l'acheter parce qu'il est un peu chéros à mon goût. Hein. Il coûte quand même 24,50€. Et il y a 222 pages. Et moi, quand j'ai reçu, j'ai trouvé un petit peu maigrichon pour le prix. Pour comparer, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait Les Chroniques de Player One aussi, qui est très intéressant, qui est sorti en 2004. Donc Player One, vous savez, c'était le magazine de consoles de jeux vidéo à l'époque, hein, bien entendu, dans les années 90. Et qui parlait un petit peu de manga aussi. D'ailleurs, mon fanzine, un petit coup de pub, avait été chroniqué dans un Player One, numéro 50. Si jamais vous l'avez, vous pouvez regarder. Donc voilà, Shogakun. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Et donc, ce chronique de Player One, pour 18€, était beaucoup plus gros. Alors après, on va me dire, ouais, mais les éditions L'Armatan, apparemment, c'est des trucs un peu huppés, un peu machin. Donc, ils tirent moins d'exemplaires, c'est moins grand public, c'est moins tout ce que tu veux. Donc, du coup, il faut y vendre plus cher parce que ça se vend moins, ils tirent moins d'exemplaires et toutes ces sortes de choses, vous comprenez? Alors, oui, mais bon, hein. Ça, j'ai rien. Donc voilà, donc je vous en dirai pas plus. Il y a aussi les premières, la première série japonaise, tout ça, et c'est très renseigné parce que j'ai moi-même appris des trucs que je savais pas. Donc ce que je viens de vous dire, ça je le savais, mais encore je l'ai su il y a pas très longtemps. Mais les titres originaux, tout ça, j'étais pas forcément au juge, tout ça. Donc il y a plein de choses qui se font et plein de petits détails intéressants. Donc que je glane les informations et qui vont bien me servir parce que je vous dis que j'ai fait un bouquin depuis pas mal de temps. Donc je vais glaner quelques infos supplémentaires à pouvoir intégrer à l'intérieur. Bien qu'il est déjà quasi fini. Bref. Donc, l'animation japonaise en France, réception, diffusion, réappropriation aux éditions L'Armatan. C'est un collectif d'auteurs, donc ce n'est pas un seul auteur, c'est plusieurs qui ont fait le bouquin. Et vous trouvez ça sur les sites Amazon et compagnie, bien entendu, aussi sur le site de l'éditeur. Vous n'avez pas de problème, bien entendu. Alors, je vais vous faire gagner ces places donc à 5€ élus. En fait, il suffit simplement d'écouter ce que je viens de dire. Donc, le tout premier dessin animé japonais au cinéma en France, c'était en quelle année? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit normalement. C'est toujours pareil, hein, 06 17 54 07 19, vous m'envoyez un petit SMS en mettant la réponse à la question que je viens de poser. N'est-ce pas? Et en n'oubliant pas naturellement de préciser vos noms et prénoms, parce que forcément, si après vous voulez venir chercher vos places à Radio Campus, bah, il faut que je sache qui c'est que vous êtes. Voilà. Donc vous n'oubliez pas. Hein. L'année hein, du premier film d'animation japonais en France. Voilà. C'était Le Serpent Blanc, donc je vous le dis, mais voilà, je ne dis pas plus. Enfin, sous un autre nom. C'est compliqué. Alors, ça, c'était pour le passé. Mais nous sommes aussi dans le présent. Et dans le présent, on va s'écouter un petit générique. Et alors, un petit générique que je ne vous ai jamais mis, et pour cause, puisque je ne le connaissais pas, parce que c'est une série récente. Donc, c'est une série en synthèse. Hein. Ça passe actuellement donc, pour les petits bambins. Je n'ai pas vu d'épisode. J'ai écouté que le générique. Mais alors, pourquoi j'ai écouté le générique? Eh, parce qu'il faut une raison. Parce qu'a priori, ce n'était pas un truc que j'allais jeter un œil directement dessus. Je ne regarde pas TF1, un truc mûche, là, parce qu'il n'y a plus rien sur cette émission depuis... Oulala ! Au moins, hein. Je crois que le dernier truc civilisé que j'y ai vu, c'était Beast Wars à l'époque, alors t'as qu'à voir. Voilà. Donc, ça s'appelle Miraculous Ladybug. Alors, peut-être que les plus jeunes d'entre vous connaissent ce truc-là. Ou peut-être les plus vieux, qu'ils ont une petite soeur, un petit frère qui regarde, j'en sais rien. Et pourquoi le générique est intéressant? Parce que ce générique donc, est interprété par un duo, et une fille et un garçon. Et le garçon en question, on le connaît. Ben si, on le connaît très bien, Génération Manga, et pour cause. Alors, je ne vais pas vous dire qui c'est. Comme ça, je vais vous faire écouter. Et vous allez aller voir si à la voix, vous reconnaissez. Et après, bien sûr, je vous donnerai la réponse si jamais vous n'avez pas trouvé. Mais alors, écoutez le chanteur. Parce que c'est de lui qu'il est question. Et donc, le chanteur, on le connaît très bien. Après, on apprécie ou pas, hein, mais on connaît. Voilà. Allez, c'est parti. Et on se retrouve juste après ça. Et n'oubliez pas, pour gagner vos places, 06 17 54 07 19. 06 17 54 07 19. Ce sont les habitués, ils ont déjà le numéro. Hein. Donc, l'année du premier film d'animation japonais en France. C'était quelle année Voilà. Et mais tout de suite, c'est Miraculous Ladybug. Miraculous Ladybug. Ça doit être américain, ce truc, je pense. Sans le moindre doute. Miraculous, miraculous. Et c'est parti. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Papillon noir, Paris mystère, c'est mon histoire plutôt étrange. La magie noire me désespère et le chat noir n'est pas un ange. Amour chassé croisé. Ladybug, nanana, nanana, nanana, nanana, une ladybug. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais pas, je trouve que ça envoie du bois. Hein. J'aime bien. Bon, c'est un peu couillon, hein, c'est un peu les paroles de maintenant, les chansons de maintenant, mais moi, j'aime bien. Une ladybug, nanana, bon, bref. ouais, alors je suis content de vous. Eh oui, parce que forcément, il y a toujours des gens qui suivent et qui écoutent et qui ont la réponse à la question. Alors, la réponse à ma question... C'était 1962. Et vous savez ce qui s'est passé d'autre en hein, 1962? Eh ben, ça a été le premier James Bond au cinéma, Dr. No. Et ouais, donc 1962, donc le Serpent Blanc. Voilà, sous un autre nom que je ne vous dirai pas. Parce qu'il faut garder un petit peu des secrets. C'est Madame quelque chose, voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc nous avons des gagnants. Ah, ça n'a pas arrêté, ils ont fait sauter le standard sur mon portable. Alors que je vais dire juste les prénoms bien sûr. Donc bravo à Fabrice, Max, Romain, Kefren et Valérie Anne qui donc ont gagné une place chacun pour la CGC, la Clermont Geek Convention qui aura lieu donc ce week-end qui arrive là, celui-là samedi dimanche là. Donc si vous avez prévu quelque chose dimanche et samedi là vous arrêtez, hein, c'est Clermont Geek Convention hein, pour une fois qu'il se passe quelque chose, hein, on va y aller. Et donc pour nous, pour Génération Manga, qu'est-ce qui va nous intéresser à la Clermont Geek Convention? Ça va surtout être les comédiens de doublage. Vous savez qu'on c'est un peu notre spécialité, c'est un petit peu notre petit péché mignon. Et donc comme je vous avais déjà annoncé il y a quelques temps, nous aurons donc Christophe Lemoine et Thierry Vermouth qui sont respectivement donc les voix par exemple de Flash dans tous les dessins animés de la Ligue des Justiciers et donc Tintin aussi, la voix de Tintin c'est Thierry Vermouth, et puis il a fait aussi Queen Mallory dans Sliders, les mondes parallèles, une excellente série au demeurant, du moins au début, moins après. Et ben on va leur poser plein de questions. Ben ils viennent en tant que comédiens sur South Park, mais bon South Park ça c'est pas un truc que particulièrement j'apprécie personnellement non plus. Donc voilà, donc vous attendez pas à ce que je pose énormément de questions sur South Park parce que ça m'intéresse pas du tout. Hein, donc je vous le dis franchement, vous savez comment on est. Hein. Nous on va s'intéresser plutôt à ce qu'ils ont fait de côté de Japanimation et Thierry Vermouth. Pour les fans de Mitsuru Adachi, c'est quand même Rodrigue dans Une Vie Nouvelle. Excusez du peu. Donc quand même, hein, n'est-ce pas? Donc c'est quand même un rôle assez marquant pour les fans d'Adachi. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Donc Mitsuru Adachi, j'arrête pas de le répéter, c'est quand même un des mangaka les plus connus, les plus riches du Japon. Donc il cartonne là-bas. En France, c'est plus délicat. Il a un dessin un petit peu particulier. Et depuis, depuis la 5, où on avait vu donc Une Vie Nouvelle, Théo, la batte de la victoire. Et aussi un petit peu Salut les filles. Voilà. Donc Tommy et Magali. De son vrai nom. Ça s'est un petit peu tassé. Hein. On a essayé de passer quelques petits trucs, mais Adachi, c'est un petit peu tassé. Alors, il y a eu des mangas qui sont sortis, un petit peu chez plusieurs éditeurs. Il y en a encore actuellement. Mais j'ai l'impression qu'il cartonne pas des masses, Adachi. Donc, c'est un mangaka à redécouvrir. Et pour les mangas qui sont sortis, donc autres que les animés qu'on connaît, je vous conseille Katsu sur la boxe, qui est très sympathique. Et Ruff sur la natation, qui est très sympathique aussi. Alors, faut pas vous laisser arrêter par le fait que ce soit sur de la boxe ou sur de la natation, parce que ce ne sont que des prétextes à des histoires d'amour. Ce qui est important chez Adachi, c'est que c'est des histoires d'amour sur fond de sport. Mais le sport, limite, on s'en fout. Hein. Donc, si vous aimez pas la natation, je vous rassure, moi non plus. Hein, ça n'a pas empêché que Ruff, j'ai adoré. Okay après... Théo, la batte de la victoire, c'est plus baseball déjà, c'est clairement baseball. C'est pour ça que j'aime moins Théo, la batte de la victoire, personnellement, quand ça devient trop baseball. Avant, au début, quand il y a l'histoire des deux jumeaux, c'est un peu moins baseball, après ça devient à fond baseball et ça devient moins intéressant. En tout cas, c'est mon avis. Voilà ce que je vous en dis, moi, après. Voilà. Alors, parce que c'est bien mignon, il parle, il noie le passon, il change de conversation et compagnie. Mais alors, ce fameux chanteur, il a oublié de nous dire qui c'était, hein? Vous n'avez pas reconnu? C'est Noam. Oui, c'est Noam Cagniel. C'est celui de Goldorak. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Bah c'est, là, c'est Goldorak. C'est Noam. C'est Noam Cagniel donc, qui chante cette chanson, Miraculous Ladybug. Voilà. Alors, la chanteuse, par contre, je ne la connais pas. Donc, je ne pourrais pas vous le dire. Hein, mais je vais potasser ça et je vais vous chercher ça. Hein, on va bien trouver qui c'est. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de très connu. Hein. Je me suis focalisé sur Noam. Alors, du coup, je n'ai pas... Donc, voilà. Je vous parle particulièrement de ce bouquin, j'ai rien à gagner dans l'affaire, hein, je vous avertis tout de suite que j'ai pas eu de service de presse ni rien, je l'ai payé le bouquin, hein, donc là, mais c'est juste qu'il y a un bouquin qui est bien, donc je vous en parle. Hein. Donc l'animation japonaise en France, diffusion, réappropriation, tout le tralala, parce que c'est un peu compliqué le nom. Donc on apprend plein de choses, des choses que vous savez déjà, vous fidèles auditeurs de Génération Manga, parce qu'on n'arrête pas de vous le répéter hein, sans arrêt, et on vous passe des collectors dans ce but et tout ça. Et vous savez donc que le premier dessin animé japonais à être passé en entier, on va dire, enfin en entier c'est relatif, à moitié en fait, c'est bien sûr Jungle Tate, le Roi Léo. Alors le Roi Léo, je vous fais pas l'article, hein. Si vous nous rejoignez, que vous avez jamais entendu Génération Manga, bon bah une petite piqûre de rappel, vous connaissez tous le Roi Lion j'imagine de Disney, hein. Bon bah voilà, bon, le Roi Léo c'est ça, sauf que c'est pas celui qui est l'autre qui a copié sur l'autre que vous croyez. Est-ce que je suis clair? Non, c'est le Roi Léo, donc, c'est un truc qui est donc passé en 72. Donc, je vous fais pas l'article, vous savez qui a copié sur qui. Hein. Bon, bref. Donc, le Roi Léo, ça a été un gros carton aux US sous le nom de Kimba. Donc, ils pourront pas nous faire croire qu'ils connaissaient pas quand ils ont fait le Roi Lion. Hein. Voilà. Et donc, c'est passé en France. Donc, la première fois, avec un premier générique que je vous ai passé il y a pas longtemps, mais que je vais repasser pour mémoire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce générique est en fait la version française du générique de fin japonais. Et oui, alors qu'en France, on l'a utilisé comme générique de début et de fin différemment. Donc, c'est celui-là qu'on s'écoute et on s'écoute juste après ça. Et puis, c'est tout. Petits et grands. s'en vont gaiement dans le grand vent des forêts. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo. Il n'a peur de rien, les loups tremblent devant lui. Il tient des anciens l'expérience de la vie. Mais il sait quand il le faut parler d'amour. Les caïmans, les petits fans sont amis. Leur seul désir, se réunir sous la bannière de Léo. Il n'a peur de rien, les loups tremblent devant lui. Il tient des anciens l'expérience de la vie. Mais il sait quand il faut parler d'amour. C'est quand il faut parler d'amour, Léo. Bien sûr, vous connaissez peut-être le retour du roi Léo qu'on a eu sur la 5. Appelez Léo quand tout va mal sous le soleil des savanes par Claude Lombard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le retour de Léo, c'était la série de Léo qu'on a vue en 72, plus la suite. Ou ce qui se passait avant. Parce qu'apparemment, ce qu'ils ont passé à l'époque, c'était la deuxième partie de l'histoire, et les 26 derniers. Et donc, après, avec le retour du loup, on a enfin eu le début, apparemment, parce que j'en sais. Mais j'étais pas né en 72, hein, je l'ai pas vu. Donc, moi, ce que je vous en dis, c'est ce que j'en sais a priori. Je peux pas être à 100% garanti là-dessus. Hein, donc, voilà. Mais bref, c'est comme ça que ça se passe. Et bien entendu, il y a eu un nouveau doublage. Bah oui, parce que le doublage d'époque, c'est un doublage québécois, et puis qui est passé Dieu sait où, alors bon, voilà. Donc ce qu'on a vu, c'est bien le nouveau doublage. Il n'y a pas de problème. Alors il y a un autre dessin animé qu'on connaît, qui est assez vieux, sur lequel avait bossé Takahata et Miyazaki, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout Takahata, je crois. Bien sûr, c'est Heidi. Et Heidi, lui aussi, a eu droit à l'adaptation de son générique original japonais. Et donc, il n'y a rien à voir avec le générique qu'on connaît tous à la Heidi, à la Heidi, à la Heidi. Quoi qu'il y a quand même des chants tyroliens. Je l'ai aussi déjà passé, mais puisqu'on est dans l'ambiance, on écoute. Rien nouveau. Heidi, Heidi, Heidi, Heidi. C'est l'histoire de Heidi que nous allons te raconter. C'est l'histoire de Heidi, le jour de son arrivée dans un village tout endormi, loin de la ville et loin des fumées et la forêt. Pour dire bonjour, lui a chanté. Alors bien sûr, tout ça, c'est des génériques en version télé, forcément. Eh oui, parce qu'il n'y a eu aucune exploitation commerciale derrière. Eh oui, bien sûr, donc pas de disque, pas de machin, rien. Donc les versions longues, bah, zobie la mouche. Eh oui, bah, déjà, trouver ça, c'est déjà folklore. Hein. Alors, je vais dire... Alors, on parle de générique, et bien sûr, ça s'approche à grands pas, l'air de rien. Et oui, la grand-messe du Grand Rex. La grand-messe du Grand Rex, ça donne bien. Le 16 avril prochain, les enfants, c'est dans grosso merdo un mois. Hein. Donc, ça va être le gros truc. C'est The Place to Be. Vous savez ce que ça veut dire quand je dis ça, hein. The Place to Be, c'est qu'il faut vraiment y être. Hein. C'est le concert avec une vingtaine de chanteurs, 40 génériques interprétés sur scène avec orchestre, les enfants. C'est pas sur des bandes, hein. C'est avec les orchestres, l'orchestre derrière qui va jouer la musique en vrai. Ça va être un truc de folie. Alors, il va y avoir tout le monde, Bernard Minet, Michel Barou, Jean-Pierre Savelli, Marie Dauphin, Claude Lombard. Pour la première fois sur scène, Claude Lombard, elle avait encore jamais fait ça. Puis plein d'autres, il y aura le chanteur de Raon, le chanteur de Peter Pan, et il y aura Dominique Poulain de Candy, dont on va bientôt vous passer l'interview à Génération Manga, vous inquiétez pas, ça arrive. Et enfin, ça va être de la folie, il va y avoir vraiment, vraiment, c'est the place to be pour tous les fans de générique, donc tous les auditeurs de Génération Manga, a priori. Il va falloir vraiment y être, ça va être du feu de Dieu, ça va être, ça va être génial. Bref, donc entre autres choses, donc entre autres chanteurs qu'il y aura là-bas, il y aura bien sûr notre ami Michel Barouille, qui a son actif quelques génériques un petit peu plus obscurs, un peu plus récents, c'est relatif, et qu'on n'a pas trop écouté. C'est ça que je me propose de vous écouter vite fait. Alors c'est pareil, c'est des versions courtes, donc on va pas en avoir pour longtemps. Yvan Noé, Chevalier du Roi, par exemple, c'est ça. Chevalier blanc, pour ton pays, ta bravoure fait merveille. Il va nommer combat de mal, hiver combat, la justice reviendra. Âme vaillante, homme de cœur, tu es le héros qui chassera la peur. Ivan Noé! Ah, ça envoie toujours du bois, Michel. Et puis, bien sûr, le fameux laboratoire de Dexter. Alors, plus le temps que chercher générique. En fait, le truc, c'est que c'est le générique de fin. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Parce que le générique de B, il n'y a qu'une musique. Alors, je me dis, mais d'où il a chanté le laboratoire de Dexter? C'est le générique de fin, Michel Barouille. Ouais, c'est ça. Vous allez entrer à vos risques et périls dans un lieu étrange où tout peut arriver. Vous y verrez des choses que nul n'a jamais vues. Dans le laboratoire de Dexter, vit le jeune garçon le plus doué. Mais avec Didi, ses expériences partent en fumée. Tout éclate, tout rate, à quel micmac, pauvre Dexter. Blaouh. C'est très court, hein. C'est très court, le laboratoire de Dexter. Vous avez vu, le pauvre Dexter. Bon, bref. Rien à voir avec un serial killer. Donc, il y aura Michel Barouille. Il y aura aussi Claude Lombard. Donc, Claude Lombard, bien sûr, c'est la chanteuse de tous les génériques de La 5, dont les génériques des œuvres d'Adachi dont nous parlions précédemment, tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça, dont Théo, la batte de la victoire. Donc c'est ça que je vous propose d'écouter maintenant. Théo, la batte de la victoire, c'est la victoire quand Théo mène la bagarre. Peut-être qu'elle sera dans la liste des chansons que chantera Claude. Je ne sais pas quelle chanson elle va chanter donc au Grand Rex le 16 avril prochain, mais peut-être qu'il y aura celle-là, c'est possible. Chercher ta chance, si tu gardes un peu d'espérance, tu l'auras. Va chercher ton rêve, chaque jour nouveau qui se lève est à toi. Va et prends ta place auprès des autres, défonce-toi. Tu vois, il faut apprendre à te défendre. Quand Théo mène la bagarre et tout éclate, quand Théo frappe la patte, c'est la victoire, mais il faut jouer ensemble, tous ensemble. Thank you. Excusez-moi, un petit problème. Oui, ça a sauté. Bon, ça arrive, ça a sauté. Cherche un partenaire, tu n'es pas tout seul sur la terre pour gagner. Voilà. Bon, bah, je suis désolé, Claude, hein, j'étais un petit peu saccagé là. Ça arrive des fois que... Bon, on n'a rien vu. On va s'en mettre une autre, il n'y a pas de raison. On va s'en mettre une autre de Claude d'ici quelques instants. Le temps que je répare un petit peu tout ça. Il y aura plein de chanteurs, de génériques. Il y aura Claude Lombard, bien entendu. Mais il y aura aussi Valérie Barouille, bien sûr. Il y aura bien sûr Bernard Minet. Il y aura aussi Jean-Paul Césari. Donc Jean-Paul Césari, grand chanteur de Nicky Larson. Et je vais vous passer tout de suite à Chitano Joe, parce que ça, à mon avis, il ne la fera pas, hein, celle-là. Ça m'étonnerait fort. Et on se retrouve juste après. Tu te bats contre le monde entier. C'est ta passion, c'est ta vie. Combat pour toujours triompher. Toi, tu cognes sans répit. Champion Joe, car la boxe est ta passion Joe, toi le boxeur au grand cœur. Vas-y Joe, t'as pas le droit de tomber Joe, il te faut toujours frapper Joe, va jusqu'au bout pour gagner. Eh oui, Ashitano Joe, donc Joe de demain, ça veut dire Ashita, ah, voilà. Et donc très très très très grande série culte, Ashitano Joe au Japon, c'est un truc phénoménal, hein, parce que la fin du personnage, c'est devenu vraiment un truc, pour vous dire, il y a eu un premier enterrement d'un personnage fictif avec Ashitano Joe. Et l'enterrement de son adversaire à la fin de la première série. Alors, ce qu'on a eu en France, nous, c'est la deuxième série. C'est tant mieux parce qu'elle est vachement mieux que la première. Donc, c'est passé furtivement sur la 5. En fait, ils ont passé une petite poignée d'épisodes. 5, je crois. 5 sur la 5. Parce que la 5, vous savez, elle avait pris pour partie de mettre soit des dessins animés tirés de romans, soit des Magical Girls, soit des trucs de sport. Et ils se sont dit, on va mettre un truc de boxe. Seulement, ils n'ont pas compris que la boxe, ça pouvait être un peu violent. Donc, quand ils se sont aperçus qu'Ashitano Joe, c'était un petit peu chaud quand même, ils se sont dit, oh là là, attends. On va arrêter de le passer. Ce qui est bien dommage, parce que c'est une excellente série que je vous conseille ardemment. Alors, c'est Dieu merci, grâce à nos grands amis d'IDP, que je ne louerai jamais assez pour avoir fait ça. Et ils ont sorti l'intégralité de la série en DVD. Et vous la trouvez à pas cher, parce que malheureusement, ça n'a pas bien marché. Mais c'est de la bombe bébé. Tu y vas, c'est 3 coffrets. Il faut absolument se les procurer. C'est trop bien, Chitano Joe. Je vous le garantis sur facture. C'est du Sugino Dezaki, TMS, que du bon. C'est ceux qui ont fait Lady Oscar, Cat Size, Rémi sans famille, Cobra. Vous pouvez y aller, hein. C'est du tranquille à Chitano Joe. Vous pouvez vous faire plaisir. Ça vaut trop le coup. C'est vraiment une très bonne série. Voilà. Donc à Chitano Joe, hein, il faut absolument que vous l'ayez vu si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Et sur ce, on va rectifier le tir avec Claude et on va se remettre Théo là-bas de la victoire. Est-ce que si ça ne coupe pas, c'est promis. Allez, c'est reparti. Ta chance, si tu gardes un peu d'espérance, tu l'auras. Va chercher ton rêve, chaque jour nouveau qui se lève est à toi. Va et prends ta place auprès des autres. Défense-toi, tu vois, il faut apprendre à te défendre. C'est la victoire quand Théo mène la bagarre. Et tout éclate quand Théo frappe la patte. C'est la victoire, mais il faut jouer ensemble, tous ensemble. Seul sur la terre pour gagner, tu sais ce qu'il faut faire. Le sport, c'est souvent une affaire d'amitié. Va et prends ta place auprès des autres. Défonce-toi, tu vas. Il faut apprendre à te défendre. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Et oui, on jouera tous ensemble ce week-end à la Clermont Geek Convention. Voilà, place du 1er mai, hein, au Polydôme. Il y aura plein de trucs. De toute façon, vous n'avez pas besoin que vous fassiez l'article. Vous le savez déjà depuis des années. Vous rangez votre frein. Ouais, vivement. Je sais, je vous connais, c'est bon. Donc, Claude Lombard, sachez qu'elle n'a pas commencé à chanter des génériques avec la 5. Elle en a fait avant, bien entendu. Et elle a même participé au concours de l'Eurovision, encore avant, mais pour la Belgique. Et oui, parce qu'elle est belge, notre amie Claude Lombard. Donc, elle nous vient de Belgique et après, elle est venue chanter donc les génériques en France. Voilà. Donc, elle a fait l'Eurovision avant. Ouais. Donc, vous pouvez trouver ces disques de Claude Lombard. Elle a chanté aussi une chanson de Boule et Bill que je ne connaissais pas non plus. Alors, je n'ai pas encore trouvé ce truc-là, d'ailleurs. Mais dès que je trouverai, je vous en ferai profiter. Il n'y a pas de raison. Et donc, avant de chanter des génériques de la 5, elle a fait quelques génériques pour TF1, non celui des snorkies. Alors les snorkies, c'est des espèces de schtroumpfs des mers, on va dire, parce que c'est des petites bestioles comme les schtroumpfs. Bon, ils sont pas bleus, ils sont toutes les couleurs, eux, et ils ont une trompe sur la tête avec laquelle ils font des bulles, voilà. Et donc c'est les aventures donc des snorkies qu'on a vues sur TF1 et qui avait donc ce générique là. Qui sont les snorkies? Qui mais qui? C'est super gentil. Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez conquis. Qui sont les snorkies? Qui mais qui? Qui sont les snorkies? Des super amis. Avec eux c'est bon la vie. Youpi! Faut les voir plonger parmi les vagues, se courir après, se faire des blagues, et bien souvent, parmi les poissons volants, faut voir comme ils aident ceux qui sont plus faibles,

Et alors, Bernard Minet, on va s'en écouter une aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Jeanne et Serge, quel rapport avec Bernard Minet ? Attends, j'arrive, j'y viens. Dans Jeanne et Serge, disais-je, vous vous rappelez peut-être, si vous avez suivi la série, que Jeanne fait souvent référence à une ancienne championne de volley-ball. Voilà, qu'elle idolâtre et compagnie. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette fameuse ancienne joueuse de volley-ball qu'elle idolâtre n'est autre que l'héroïne des attaquantes. Parce que en Italie, les attaquantes s'est passé en premier et après ils ont passé Jeanne et Serge et en fait ils ont voulu créer un lien artificiel entre les deux. En France, ils nous ont fait le coup aussi avec But pour Rudy. C'est-à-dire que But pour Rudy, dans le premier épisode, il fait référence à Olivier Hatton. Il dit « Ah, il veut devenir champion de foot comme Olivier Hatton ». Et d'ailleurs, ça vient aussi des deux d'Italie, donc c'est normal. Donc la filiation, là, en France, elle marchait. Mais en France, la filiation entre Jeanne et Serge et les attaquantes, elle ne marchait pas. Parce que, un, on a eu Jeanne et Serge avant, sur la 5. Et deux, on a eu les attaquantes après, sur TF1. Donc forcément, du coup, ça n'a pas de lien. Mais il y avait un lien en Italie. Et bien entendu, au Japon, il n'y a aucun lien entre aucune des quatre, là. Hein, bien entendu, hein, personne, il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'en Italie, les attaquantes, enfin Jeanne et Serge, c'est censé se passer après les attaquantes. C'est en lien parce que Jeanne était fan de l'héroïne des attaquantes. Voilà. Vous n'avez rien à faire de ce que je vous raconte, c'est pas grave. Allez, les attaquantes, vous les petites filles, c'est parti, vous êtes bien les plus malines. Allez. Wendy, Camille, Alice, Patricia, Isabelle et Katia. Vous êtes les délinquantes de charme et vous vous battez avec toutes vos armes. Les livres et les cahiers sont pas tellement vos amis, mais quand il s'agit de vous mettre au défi, vous devenez des super génies. Attaquantes, attaquantes, vous les petites filles. Attaquantes, attaquantes, vous êtes bien les plus malines. Affrontez le danger, ne vous faites pas peur, car en short, en basket, tu sais bien vous les meilleurs. Attaquantes, attaquantes, vous les petites filles. Avec vous c'est facile d'y arriver, sans jamais écouter les menaces des jalouses qui vous font la grimace. Plus haut, toujours plus haut, c'est toujours un match super beau. Et pour la finale que vous gagnerez, tous vos efforts seront oubliés. Attaquantes, attaquantes, vous les petites filles. Attaquantes, attaquantes, vous êtes bien les plus malines. Le danger ne vous fait pas peur, car en short, en basket, tu sais bien vous les meilleurs. Wendy, Camille, Alice, Patricia, Isabelle et Katia. Avec vos yeux tout pleins de malice, vous êtes toujours les premières sur la piste. Pour la gloire de Karim, le plus merveilleux de vos amis, vous formez une équipe formidable, mais surtout la plus redoutable. Attaquantes, attaquantes, vous les petites filles. Attaquantes, attaquantes, vous êtes bien les plus malines. Affrontez le danger, ne vous faites pas peur, car en short, en basket, tu sais bien vous les meilleurs. Voilà. Et donc, bien sûr, on va enchaîner avec du Valérie Barouille. Mais pas à Jeanne et Serge, ça serait trop simple. Eh oui, c'est trop facile. Mais BCBG de la Teenager de Beverly Hills. Colline Et voilà, Valérie Barouille, donc, qui sera là aussi donc, au grand concert du Grand Rex. Je vous ai suffisamment fait l'article. Mais avant donc, le 16 avril, il y a ce week-end, la Clermont Geek Convention, à Clermont, puisque nous sommes de Clermont, eh oui. Donc là, c'est ce week-end-là, ça vient tout vite, toujours. C'est tout chaud, tout chaud, tout chaud. Et alors, sachez aussi que si le cœur vous en dit, ce vendredi, donc le 18 mars, il y a un casting de la France à un incroyable talent à Clermont-Ferrand. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, si vous avez plus d'informations, vous me demandez par MP, par texto, par tout le machin. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Donc si vous avez un incroyable talent, peut-être, hein, je ne sais pas, donc vous pourriez y aller. Alors, j'ai un petit coup de gueule à passer. C'est concernant les conventions, bon, pas la CGC en l'occurrence, mais d'autres, qui, de plus en plus, invitent des invités qui, à mon avis, n'ont rien à faire là. Je m'explique. Alors, il y a une convention qui est pour inviter Julien Lepers. Une convention de manga, hein. Le geek, je lui dis tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fout là, Julien Lepers? Alors, il va animer le quiz, donc c'est bien mignon, mais enfin, Julien Lepers, s'il te plaît. Ils vont avoir aussi les comédiens de scènes de ménage. Alors, certes, il y en a qui ont doublé brillamment dans des dessins animés japonais, mais en l'occurrence, c'est pas en tant que tels qu'ils viennent. Ils viennent en tant que scènes de ménage. Donc, ils n'ont rien à faire là non plus. Et mes amis les grands-enfants, donc ils font une convention de vieux jouets, de vieilles figurines extraits de dessins animés, cinéma, tout le tralala. Ils invitent le gagnant 2014 de Koh-Lanta. Alors moi, il faut qu'on m'explique, parce que je ne sais pas du tout ce que ces gens-là foutent là. Je veux dire, c'est un petit peu comme par exemple, si moi je vous passais ce générique-là. Ça aurait peut-être un petit peu des rapports, tu vois. Mais on n'est pas du tout dans la thématique là, hein. Comme la flamme du mélodrame, des feux de l'amour. Sur mon cœur danse, tu es la femme que j'ai cherché et que je veux garder. Comme un secret, comme un désir, comme un fantasme de plaisir qui durerait toujours. Toi qui as brûlé mon cœur au feu de l'amour. Alors, hein, ah, ça vous a choqué là. Bah voilà, c'est pour vous donner bien un peu le truc, hein. Et les trucs, ils n'ont rien à faire là. Voilà, c'est juste ça. Je voulais dire ça. Bon, voilà. Allez, donc, l'heure étant l'heure, quelle heure, étant de se quitter, se dire à la semaine prochaine, ce ne sera pas l'heure Star Figo. On fera bien sûr un topo sur la CGC avec les interviews des comédiens de doublage et tout le tralala qu'on aura fait le week-end. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, à la CGC si vous voulez me voir. Hein, j'y serai, je vagabonde un petit peu partout. Hein, vous me verrez fatalement. Et puis, donc, rendez-vous la semaine prochaine, ce ne sera pas l'heure Star Figo. Et on va se quitter non pas avec les feux de l'amour, parce que je sais que ça. Ah non, pitié, pas ça. Mais avec Jace, les conquérants de la lumière, interprété par nos amis d'Astéro H. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, ce sera pas la Star Figo, c'est parti! Wouhou! Va, Jace, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jace, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jace, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres plantes.